angoissé quand t'arrives l'heure du coucher ? Marre de toujours faire le même cauchemar ? La nouvelle application Poodle Dream, créée en partenariat avec la NSA, vous permet de rêver comme vous le souhaitez. Synchronisée à votre Poodle Phone et votre oreiller connecté, l'application Poodle Dream émet des ondes gamma directement vers l'hippocampe de votre cerveau et diffuse en direct le rêve que vous avez sélectionné. Vacances sur une île déserte, nuit torride avec Brad Pitt, Donald Trump battu aux élections américaines, grâce à la formule Premium, c'est l'assurance de faire de beaux rêves sans placement produit ni coupure publicitaire. Et pour une souscription avant la fin de l'année, vous profitez gratuitement de l'option rêve érotique pendant 3 mois sans engagement. Rêvez en toute tranquillité avec Poodle Live.